Le site internet de Russie, irkoutskblogspot.ru, a présenté l'œuvre classique du président Kim Il-sung, réunifiant le pays en toute indépendance et par la force unie de toute la nation, à l'occasion de la journée du soleil.